Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde par Philippe Petit. Il y a, si vous voulez, des réalités qui ne durent pas. Alors j'ai le droit de considérer qu'au-delà de ces réalités qui s'évanouissent, il y en a d'autres qui durent, et celles qui durent sont non pas plus intéressantes, elles m'ont intéressé davantage, c'est en quoi Lévi-Strauss ne se trompe pas sur mon point de vue. Les travaux d'histoire globale ont remis sur le tapis la question des origines du capitalisme en montrant que nombre de ces ingrédients peuvent être repérés bien avant le XVIe siècle, tant en Europe qu'en Asie. C'est ainsi que dans de nombreuses sociétés, à des époques différentes, dans des aires culturelles variées, le capitalisme s'est développé. Il survit aujourd'hui et il survivra demain et sans doute après-demain. Il faudrait d'ailleurs plutôt parler des capitalismes et ne pas enfermer le modèle dans sa copie. Quoi de commun en effet entre le capitalisme d'État des Chinois et la version moderne du libre-échange des Anglo-Saxons ? Rien. La particularité de Fernand Braudel dans son livre « Économie matérielle et capitalisme » paru en 1979 aura été de définir le capitalisme en l'opposant à l'économie de marché. Alors que l'économie de marché renvoie à des échanges de proximité intervenant dans les marchés réglementés et transparents, comme ceux des foires de champagne au Moyen-Âge ou certains circuits de l'agriculture biologique aujourd'hui, appelés circuits courts, le capitalisme, selon Braudel, consiste à contourner les règles de la concurrence pour dégager des profits exceptionnels. Le propre du capitalisme, selon lui, est de partir à la recherche de positions de monopole en allongeant le circuit commercial jusqu'à le rendre opaque. Sous les containers, la marchandise, voilà ce qu'il n'est pas toujours possible de dévoiler. L'échange devient impossible dans un monde où la circulation prévaut sur la relation. Cette opposition entre l'économie de marché et le capitalisme ne va pas pour autant de soi. Quid de l'économie financière dans un tel dispositif ? Et peut-on se contenter d'opposer le capitalisme de haut vol à l'économie de terrain plat ? Le monopole est-il la part du diable ? Une société marchande sans capitalisme est-elle possible ? Ce sera l'objet de notre discussion ce matin en compagnie des philosophes Étienne Balibar, Yves Duroux, de l'économiste Pierre-Noël Giraud et du géographe Christian Van der Motten. Bien, peut-être, Étienne Balibar, commençons par ce titre d'abord et par ce livre qu'il faut quand même présenter un peu aux auditeurs, « Civilisation matérielle, économie et capitalisme ». Oui, alors je crois que la première chose à rappeler peut-être, c'est que ce livre est le résultat d'un collage auquel Braudel a procédé. Il avait publié 20 ans auparavant un ouvrage autonome, au fond, qui portait justement sur la civilisation matérielle, la vie quotidienne, les structures du quotidien. Bon. Et puis, je ne me souviens plus très bien, je dois dire, je l'avais, c'était chez Armand Collin, si je me souviens bien. Oui, bon, Armand Collin. C'est un ouvrage qui se trouve quelque part à mi-chemin entre l'histoire et l'anthropologie, ou les structures anthropologiques fondatrices de la connaissance historique, bon, qui valait d'une certaine façon par lui-même, et qui s'insérait, me semble-t-il, dans un contexte précisément de floraison et de développement de l'anthropologie à la française, à laquelle Braudel cherchait à apporter sa propre contribution pour, au fond, engager ce qui a été l'un des grands projets de sa vie, qui était l'articulation des différentes disciplines des sciences sociales, dont on peut se poser la question d'ailleurs de savoir, on l'a souvent dit, si c'était au bénéfice d'une sorte d'impérialisme de l'histoire, ou bien si c'était au contraire pour faire éclater la méthodologie traditionnelle de la pensée historique. Bon. Et puis alors, 20 ans plus tard, dans une conjoncture tout à fait différente, et après un long travail souterrain, être devenu aussi un tout autre personnage dans l'université française et dans la science Et dans les sciences humaines, il a publié ces deux volumes sur le capitalisme, dont la thèse centrale, dont nous allons sûrement reparler, réside dans l'opposition entre la forme du marché et la forme du capital. Et il les a présentés comme la suite du premier volume, ce qui donnait à celui-ci une autre portée, une autre signification. Alors, avant de définir précisément le capitalisme en l'opposant à l'économie de marché, peut-être on peut quand même dire un mot sur l'expression même de civilisation matérielle. Qu'est-ce qu'elle vous inspire aux uns et aux autres, cette expression ? Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, la genèse de ce livre a été extrêmement longue. Hein. Braudel dit 25 ans pour produire les trois livres. Entre le livre sur la Méditerranée, le grand livre, le premier sur la Méditerranée et le second, il y a un certain nombre d'articles qui sont plutôt des articles, comme ça, disons, généraux sur écrire l'histoire, la méthodologie des sciences sociales, etc. Et c'est là où Braudel fabrique ce qu'on pourrait appeler, comme ça, une de ses obsessions intellectuelles, qui est une théorie des strates. Les strates des temps et les strates de la vie, où, effectivement, la première strate, c'est la vie matérielle. C'est pour ça qu'à un certain moment, je dirais que finalement, Braudel est un remarquable exemple de ce qu'on pourrait appeler le matérialisme historique. C'est-à-dire, d'une certaine façon, faire monter l'histoire à partir, effectivement, des gestes les plus quotidiens, enfin, se nourrir, s'habiller, se loger, et sur lequel les strates montent. C'est pour ça que je crois que c'est très, très important que, bon, il ait commencé, et ça nous a un peu surpris quand on a vu le premier livre, mais parce que c'était un moment dans le développement. Alors, de même qu'il y a les strates pour la vie matérielle, il y aura les étages pour la vie économique, les fameux trois absolument, qui est lié étages. Aussi à la théorie des trois durées, etc. Braudel est quelqu'un qui a pensé par strates, à partir, si vous voulez, d'un concept générique très très important chez lui, qui est le concept de monde comme unité spatio-temporelle, géo-historique. C'est à partir de ça qu'il constitue ce qu'on pourrait appeler sa grille d'attaque de la gigantesque érudition qu'il la montre. Christian van der Motten, géo-historique. Effectivement, je trouve que c'est évidemment des études brillantes et cette idée de la montée au départ des strates matérielles est effectivement extrêmement importante. Ceci étant, il me semble qu'il y a quand même chez Braudel quelques flous épistémologiques par rapport à cela. Quand il parle de civilisation matérielle dans les stades précapitalistes, il n'introduit pas, par exemple, de manière très claire, la manière dont fonctionnent les rapports sociopolitiques. Il n'introduit pas, par exemple, me semble-t-il, de manière claire, la notion d'état tributaire, qui me semble quand même quelque chose qui permet de comprendre certaines formations territoriales dans l'histoire. Vous pouvez préciser, état tributaire ? Mais un état fondé, par exemple, essentiellement, où le pouvoir s'exerce essentiellement sur la base de la ponction du tribut foncier. Et je trouve que ça l'amène parfois à quelques flous dans les définitions qu'il donne de l'économie monde, par exemple. Parce qu'il emploie, entre autres dans le petit livre « La dynamique du capitalisme » qui résume un petit peu sa pensée. Son projet, oui. Oui, il emploie parfois la notion d'économie monde pour l'Empire chinois, pour l'Empire romain. Alors que, et je compare par exemple à la distinction que fait Wallerstein, pour lui, pour Wallerstein, il ne s'agit pas d'économie monde dans la mesure où c'est un grand espace, certes, mais c'est un grand espace qui reste entièrement contrôlé par le même pouvoir politique. Alors que ce qui, à mon sens, fait la spécificité d'une économie monde, c'est le fait que le pouvoir économique a des espaces de liberté forts, importants, par rapport au, avec X, pouvoir politique. Et n'est pas contrôlé, dès lors, par les pouvoirs politiques. Ce qui fait toute la différence entre le marchand chinois et le marchand européen. Mais est-ce que ça ne veut pas dire simplement qu'il y a deux concepts ? Est-ce que ça ne veut pas dire simplement qu'il y a deux concepts ? Je conçois très bien que vous preniez parti pour l'un d'entre eux, et pour ma part, bien sûr, ayant autrefois et encore aujourd'hui longuement collaboré avec Wallerstein et beaucoup appris de lui, j'attache une grande importance à sa théorisation, même si on peut la discuter. Il s'est réclamé de Braudel, réciproquement Braudel, dans le troisième volume du grand livre dont nous traitons aujourd'hui, Les temps du monde, a déclaré sa dette à l'égard de Wallerstein. Donc il y a une sorte d'échange entre les deux et la comparaison est inéluctable. Mais ce que je pense sur le fond, c'est qu'ils ont deux concepts très différents, je dirais pas incompatibles, mais enfin très différents de ce que ils appellent l'un et l'autre économie monde, et qu'ils ont hérité d'une tradition géo-historique que vous connaissez mieux que nous. De sorte que ce différentiel est lui-même un objet de discussion très intéressant et non dénué d'actualité, il faut bien le dire. Pierre-Noël Giraud. Pour un économiste, ce qui est absolument passionnant dans Braudel, que personnellement je considère comme un de mes maîtres, c'est qu'il a affronté la question de l'enchâssement de l'économie dans autre chose. Et ce qui est absolument central dans le livre dont nous parlons, c'est que c'est un livre qui porte quand même principalement sur ce qu'on appellera l'économie, qui le divise en effet en deux strates, deux niveaux, l'économie marchande et puis le capitalisme. Mais la civilisation matérielle, c'est ce qui enchasse, c'est ce sur quoi, dans quoi, au sein de quoi se développent ces activités. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il pointe, et ça nous ramène au concept d'économie monde, directement ce qui fait la difficulté de l'enchâssement encore aujourd'hui pour l'économie, qui est la prise en compte de l'espace et du temps. Parce que qu'est-ce qui va faire la différence entre, par exemple, la civilisation matérielle, la façon dont les gens mangent, se nourrissent, vivent, et le capitalisme ? C'est l'espace et le temps. La civilisation matérielle, à l'époque de Braudel, c'est un ensemble de phénomènes qui sont très localisés, qui n'implique d'échanges que très limités dans un territoire très étroit et qui en plus ont une temporalité longue. C'est l'histoire longue, le temps long, tout ça change très lentement. Avec des économies mondes distinctes. Et ensuite, ça caractérise en effet ce qui est englué, qui est dans la glaise de la civilisation matérielle, diffère profondément d'une économie monde à l'autre, d'un endroit à l'autre. Oui. À l'extrême opposé, le capitalisme, c'est ce qui est premièrement mondial, pratiquement tout de suite, c'est ce qui met en communication les économies monde, et c'est ce qui est rapide, qui joue sur l'information saisie en premier. Qu'est-ce qu'un négociant ou un grand banquier ? C'est quelqu'un qui est le premier à pouvoir se saisir de l'information, est en situation de monopole pour cette raison, et fait donc des profits absolument considérables. Donc, cette grille d'analyse des différences spatio-temporelles qui fonde cette analyse par strates et qui, en effet, est absolument passionnante pour l'économie, parce que l'économie politique, elle, se fonde sur l'ignorance au départ et de l'espace et du temps. Voilà. Si je peux ajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit notre collègue, c'est Braudel dit qu'il faut absolument distinguer économie mondiale et économie monde. Parce qu'il y a plusieurs économies monde et la question ouverte, c'est est-ce qu'un jour, aujourd'hui, l'économie monde, parce que ça s'arrête quand même au XVIIIe siècle, son livre, l'économie monde capitaliste est une économie mondiale. Question ouverte. Et c'est par rapport à ce qu'il appelle les autres Europes, autres que l'Europe, les autres économies monde. Curieusement, il dit, je vais parler surtout de l'Inde. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, et il centre finalement son analyse sur l'insulinde. L'insulinde qui est un lieu, effectivement, dans lequel il y a des circuits marchands existants, etc. Et il parle peu de la Chine, finalement. Hein, dans le temps du monde, il parle peu de la Chine. Et donc, sa question, c'est de dire qu'à un certain moment, il y a plusieurs économies mondes. Il y a plusieurs économies mondes, parce qu'une économie monde, dit-il, et ce concept, je le trouve extraordinaire, c'est à une enveloppe. Un monde à une enveloppe. Et d'une certaine façon, ce qu'il montre, c'est comment l'économie monde, qu'on pourrait appeler asiatique, orientale, a été progressivement vampirisée par les marchands de l'économie monde européenne, euro-atlantique, disons. Chez Braudel, il y a plusieurs économies monde, à la différence de Wallerstein, qui, d'une certaine façon, on peut dire, s'installe tout de suite dans l'horizon Mais quand il y a plusieurs économies mondes, soyons précis, l'Europe, l'Inde, la Chine, le monde arabe, la Oui, oui, c'est ce qu'il dit. Il dit la Russie elle-même, la Moscovie, jusqu'à Pierre le Grand, est une économie monde. Donc un monde multipolaire, mais fortement hiérarchisé. Oui, et il y a un concept d'économie monde dans lequel il y a un centre et dans lequel il y a des espaces. C'est pour ça qu'il cite, il dit le plus grand économiste allemand après Marx, c'est quelqu'un que les économistes connaissent peu, qui s'appelle Thunen. Peut-être que Pierre Noël le connaît. Thunen est celui qui a tenté le premier d'introduire la géographie dans l'économie. C'est donc pourquoi il intéresse Grodel. Est-ce que je peux me permettre Étienne Balibar, oui. L'intérêt de la confrontation avec Wallerstein, me semble-t-il, c'est d'introduire, et je crois que c'était le sens de votre intervention, c'est d'introduire une dialectique du politique et du géographique, disons, enfin du géo-économique. Bon, et ce que je trouve intéressant et excitant pour le philosophe, pour l'épistémologue, mais aussi plein de significations au fond quand on essaie de réfléchir sur les transformations du monde dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, c'est le fait qu'il soit parti sur des bases partiellement communes dans des directions divergentes. Le grand souci de Wallerstein a été de ne pas confondre l'économie monde avec un empire, avec une structure impériale. Bon, et ça a été de montrer que au fond il y avait eu des structures impériales qui étaient aussi en même temps des unités économiques, bon, qui caractérisaient l'Europe médiévale et encore l'Europe préclassique, et que tout ça avait été finalement dépassé et intégré, on est tenté de dire de façon hegélienne, nié, dépassé, si vous voulez, dans une structure beaucoup plus générale qui serait celle qui caractérise le capitalisme d'aujourd'hui, où les formes politiques sont au fond secondaires et relatives par rapport à une sorte de logique économique globale. Et de ce point de vue, Wallerstein est beaucoup plus économiste, même s'il n'est pas un économiste au sens technique du terme. Idéologiquement, il est, me semble-t-il, plus économiste que Brodel. Ce que je trouve tout à fait extraordinaire dans le dernier volume de Brodel, bon, c'est qu'il se soit Le temps du monde. Bon, c'est qu'il se soit centré, lui, sur une autre question pleine de signification quand on cherche à réfléchir sur les structures du politique aujourd'hui, parce que cette jeunesse, ce pluralisme, cette conflictualité est d'une certaine façon en train de ressortir, même si c'est sous des formes nouvelles. Ce qui l'a intéressé, c'est la concurrence entre plusieurs formes politiques au sein du capitalisme naissant. Hein. Essentiellement, les trois grandes formes, au fond, les trois grandes façons d'articuler le politique et l'économique pour créer des monopoles, pour rendre possible des surprofits, des pôles d'accumulation. Bon, la cité, hein, la ville qui est au centre d'un réseau commercial à l'échelle du monde, Venise, Amsterdam, etc. La nation, évidemment, la France, l'Angleterre, bon. Et puis l'Empire de Charles Quint, l'Espagne, ou éventuellement l'Empire chinois, pourquoi pas. Or, ce sont trois formes politiques profondément différentes qui, à un certain moment, ont été en concurrence entre elles, et dont on a pu penser qu'elle se simplifiait radicalement au profit de l'État-nation que nous avons connu au XIXe et XXe siècle. Aujourd'hui, ce problème s'ouvre à nouveau. Il n'est pas du tout évident qu'il n'y ait qu'une seule forme politique adaptée aux évolutions de l'économie monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi la lecture de Brodel est tellement excitante, me semble-t-il. Christian van der Mouten. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ceci étant, il me semble que l'analyse de Wallerstein par rapport à celle de Brodel, entre autres par rapport à la Chine, à l'avantage de mieux comprendre pourquoi cette économie monde, pour employer le terme de Brodel chinoise, n'a pas débouché sur une révolution industrielle précoce comme elle l'a fait en Europe, alors que techniquement elle aurait pu le faire. Et pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je pense que peut-être ce qui a fait l'originalité de l'Europe dans l'émergence de la révolution industrielle, en tout cas, et jusqu'au XIXe siècle, c'est la synthèse qui a été faite justement entre ces trois catégories, la ville, la nation et l'empire, et qui est peut-être unique à l'échelle mondiale. Chacune de ces catégories gardant une certaine autonomie tout en étant liée aux deux autres. Pierre-Noël Giraud. Oui, moi je ne vois pas d'aussi grande différence peut-être entre Wallerstein et Brodel. Je pense que ils sont d'accord sur la question essentielle, en fait, qu'ils traitent tous les deux, c'est pourquoi est-ce que l'Europe s'est distinguée à partir du XVe siècle, des autres économies mondes. Et là, la réponse est assez similaire. Pour Wallerstein, c'est que les autres étaient des empires, et donc le pouvoir politique régulièrement écrasait et décapitait la classe des marchands, la classe montante des marchands. Alors donc les villes-centres. Donc aussi les villes. Il n'y a pas vraiment dans l'économie monde chinoise ou indienne, et chinoise, parce que celle l'indienne est justement beaucoup plus marchande, il n'y a pas vraiment. La ville-centre n'est pas un pôle économique avant tout, c'est le siège de l'empereur. Bon. Alors que l'Europe, elle, s'est caractérisée très tôt par un espace économique beaucoup plus large que les pouvoirs politiques. Les pouvoirs politiques qui s'exerçaient sur des villes ou sur des États, etc. Et que c'est parce que les marchands ont pu échapper au pouvoir des princes, en jouant l'un contre l'autre, un territoire contre un autre, qu'ont pu se constituer des dynasties marchandes qui ont fait que le capitalisme s'est développé beaucoup plus vigoureusement en Europe, le capitalisme au sens de Braudel, et avec toutes les conséquences d'entraînement que ça a eu, etc. Ce qui est en effet fascinant, c'est que la question de savoir si... Alors la thèse de Braudel, c'est qu'il y a eu une époque des villes en Europe, et puis, finalement, la dernière des grandes villes n'a pas été assez puissante pour s'opposer à l'émergence de l'Angleterre, et non pas la Grande-Bretagne, mais l'Angleterre en tant qu'État-nation. Donc le centre de l'économie monde est passé d'une ville à un État-nation. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de nouveau de passer à une situation où les centres vont être de nouveau des villes avec affaiblissement du pouvoir des États-nations. Alors là, c'est-à-dire que vous... Sauf vous, que ce n'est pas les mêmes villes. C'est pas les mêmes villes. Étienne Malibar, en fait, Pierre-Noël Giraud fait référence à ces cités globales, Shanghai ou d'autres, qui sont en train d'émerger. Mais pour reprendre quand même le fil, vous avez effectivement souligné, Pierre-Noël Giraud, que la ville-centre plongeait, grâce à son réseau de villes-relais, dans la profondeur des économies. Vous avez nommé Amsterdam, dernière de ces villes-centres, puis après le pôle dominant État-nation avec l'Angleterre, la révolution industrielle, puis, effectivement, après, l'idée que le centre passe de l'Angleterre, ça vous avez omis de le rappeler, à la côte est des États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, pour arriver aujourd'hui vers le règne des cités globales. Là, ça fait déjà plusieurs pas de franchi. Yves Duroux. Oui, je voudrais quand même dire, par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que Braudel insiste beaucoup sur le fait que l'État et le capitalisme sont toujours liés. Il dit il y a une homogénéisation. Alors évidemment, les structures étatiques changent, mais il montre quand même que il y a quand même une sorte de progression. Il y a un côté un tout petit peu téléologique. On passe si on va prendre les trois plus célèbres, c'est Gênes, banquier de Philippe II, et puis Amsterdam qui leur pique, il explique très très bien, il leur pique en leur vendant des marchandises, etc. Il tue le commerce génois. Et Amsterdam, c'est quand même plus qu'une ville. Premièrement, c'est le résultat d'une révolution politique. C'est vrai que c'est les provinces unies, même si Amsterdam est le centre. Et après, il montre quand même que téléologiquement, dans le cas de l'Angleterre, il y a d'abord une révolution politique, la glorieuse, et puis tout le fin 17e, 18e, où l'Angleterre prend de plus en plus d'éléments par rapport à la Hollande. Et la Hollande se termine à la fin, puisque une des thèses, c'est que finalement... La Hollande finit par être le banquier de l'Angleterre, mais elle a perdu tous les points d'attache. Parce qu'il faut bien voir qu'à chaque fois, ces structures politiques sont aussi, malgré tout, liées à un grand impérialisme, d'une certaine façon. C'est-à-dire des comptoirs très loin, etc. Donc, il y a chez Braudel l'idée, surtout dans son livre, puis ça s'arrête quand même, il y a un chapitre sur les marchés nationaux. Il montre pourquoi la France n'arrive pas à fabriquer son marché national. Il n'y a que l'Angleterre qui y arrive, pour mille raisons. Je crois que c'est très important de dire qu'il y a un petit côté téléologique, on passe de Gênes à Amsterdam à Londres. Et alors, ce qui se passe après, ouvert, Braudel n'en parle pas. Je dirais, et avec plus de finesse encore, parce qu'en réalité, le début de l'Angleterre, c'est avant tout le début de Londres. Et puis ça devient l'Angleterre à partir du moment où une certaine articulation se produit entre la place financière et commerciale londonienne, et puis la révolution industrielle qui ne démarre pas à Londres. Yves Duroux. Je suis entièrement d'accord. Ce que je voulais simplement dire, c'est qu'effectivement, c'est le rapport entre les structures politiques centres des économies du monde et le type d'expansion impérialiste, hein, qui sont quand même pas du tout les mêmes. Hein. Les Génois s'appuient sur l'Empire espagnol. Hein. Bon, c'est banquier de Philippe II. Bon, ils jouent le rôle fondamental, finalement, d'intercession entre la découverte de la Grande Amérique et bon, l'argent américain, etc. Bon. Amsterdam, c'est déjà les marchands hollandais, ils sont en insulin dès 1650. Hein. Bon, et ça restera la seule colonie hollandaise jusqu'à l'indépendance. Bon. Alors continuons ce va-et-vient peut-être entre le passé et le présent. Nous avons évoqué les villes-centres et nous avons rapidement parlé des cités globales d'aujourd'hui. Pierre-Noël Giraud, vous faites observer que l'État contemporain se comporte comme les monarchies mercantilistes qui cherchaient à attirer le maximum d'or dans leur royaume. Yves Duroux dit très, très justement que pour Brodel, il y a une liaison intime entre les activités capitalistes et le pouvoir politique, qu'il soit celui qui s'exerce sur une ville ou sur un État-nation. Mais ce rapport est en même temps conflictuel, puisque précisément, c'est ce que Wallerstein dit, dans certaines configurations historiques, comme en Chine, le pouvoir politique s'est avéré toujours plus fort que les dynasties marchandes, et puis les a soumises à ce qu'il percevait comme son propre intérêt. Donc il y a la question ouverte par Brodel de savoir où en est-on de ce rapport aujourd'hui. Comment se pose la question du rapport entre des structures politiques qui sont des États-nations de nos jours désormais, et puis le capitalisme. Alors, il est tout à fait certain que nous sommes dans une phase qui ressemble à ce qu'était l'Europe dont nous parle Brodel, où l'espace de la politique est beaucoup plus restreint, puisque c'est celui des États-nations, que l'espace de l'économie, qui, à mon sens, est devenu absolument mondial. Donc, on a maintenant une économie mondiale. Je ne sais pas si on pourrait aujourd'hui désigner quelque chose qui serait la civilisation matérielle, c'est-à-dire qui échapperait totalement ou très largement au jeu de l'échange et au capitalisme. Bon. C'est ça qui, fondamentalement, s'est transformé avec la globalisation et qui ne laisse, c'est le sens de ce que j'ai voulu exprimer, ne laisse, quand je dis les États sont des États néo-mercantilistes, ne laisse aux États, comme seul objectif possible de ce qu'on pourrait appeler une politique économique, d'attirer sur leur territoire le maximum des éléments nomades du capitalisme, de ceux qui peuvent choisir d'aller s'installer à Shanghai, à Bangalore ou à Palaiseau. Un petit mot quand même sur ce mot nomade, puisqu'il fait partie de votre architecture théorique, Pierre-Noël Giraud, dans votre livre « L'inégalité du monde », mais pas seulement. Il m'a été inspiré par Brodel. Donc, ah ben bah voilà, nomades et sédentaires. Alors, qui sont les nomades? Qui sont les sédentaires à l'heure de la globalisation? Eh bien, les nomades, c'est ce que Brodel, je pense, appellerait le capitalisme. Ce sont ces acteurs du capitalisme qui se jouent et jouent des territoires et qui accumulent de la richesse, qui captent des surplus de l'ensemble de l'économie en jouant d'une grande mobilité et de la possibilité de jouer les uns contre les autres. Et qui sont très informés. Les sédentaires, et les sédentaires qui, eux, sont attachés à des territoires et qui sont évidemment supérieurement informés, puisque quelque chose que met bien en évidence Brodel aussi, dans ses analyses historiques et qui est maintenant le pain quotidien de l'économie théorique, c'est que le capitalisme fonctionne dans un système d'imperfection de marché et des États qui est lié fondamentalement à la question de l'information. Les gens ne savent pas du tout ce qu'ils devraient savoir pour que l'économie fonctionne comme la théorie prétend qu'elle et le une fait. Asymétrie d'information. Voilà. Étienne Balibar. Oui, il y a deux choses dans ce que vient de dire Pierre-Noël Giraud sur lesquelles je voudrais essayer de rebondir. Bon, d'une part, tu nous dis, au fond, aujourd'hui, qu'est-ce qui correspondrait à ce que Brodel appelait les structures du quotidien, la civilisation matérielle? Est-ce que tout ça n'a pas été irréversiblement détruit, absorbé, dévoré, j'allais dire, par le Moloch, au fond, du développement capitaliste? Bon. Ce qui me paraît intéressant chez Brodel, très intéressant, bon, c'est la finesse des distinctions qu'il cherche à opérer et une espèce d'extraordinaire invention ou inventivité morphologique, je dirais. Bon, de sorte que, bien sûr, il y a une sorte de grand récit auquel Yves Duroux faisait allusion tout à l'heure en parlant de téléologie, dans lequel on a l'impression que le quotidien est absorbé dans l'échange, et puis l'échange ensuite est absorbé dans le développement du capital, et tout ça correspond à une espèce de grand trend, enfin de grand courant pluriséculaire de développement du capital. Mais rien n'interdit de se poser la question de savoir sous quelle forme aujourd'hui les structures du quotidien pourraient ressurgir et manifester à nouveau une sorte d'autonomie relative, je dirais, par rapport au développement du capitalisme lui-même. Alors naturellement, ça peut pas être sous les formes étroitement locales, enracinées dans des traditions millénaires de la vie quotidienne, de la vie familiale. Pierre-Noël Giraud. Oui, mais nous, absolument, mais nous en sommes à la reconquête. Je veux dire par là que, comment témoignent les émeutes de la faim lors de l'envolée du prix des céréales en 2008 dans le Sahel, par exemple. Il n'est pas aujourd'hui un individu dans le monde, même le plus pauvre des paysans vivant pratiquement encore en autosuffisance, cultivateur de mil dans le Sahel, il n'est personne qui échappe à des mouvements marchands qui, dont l'origine peut être la politique du gouvernement américain qui décide de fabriquer de l'éthanol à partir de maïs. Voilà. Donc c'est, en ce sens, je veux dire que la civilisation matérielle à la brodelle, définie comme une activité pesante et séculaire qui échappe au jeu de l'échange, ça n'existe plus. C'est une sorte de niche, en fait. Voilà, ça n'existe plus. Ce qui est tout à fait exact, et je l'ai moi-même souligné, c'est que il y a un mouvement de résistance à la marchandisation totale qui prend la forme de relations qui échappent à la pure loi marchande ou qui tentent de le faire, dont un certain nombre d'activités gratuites entre guillemets sur Internet sont un exemple, dont moi personnellement je n'y crois pas beaucoup, mais les tentatives de systèmes d'échange locaux, c'est-à-dire de monnaie locale, c'est-à-dire d'échange direct dans une petite communauté où les gens se connaissent, et donc la question fondamentale de la confiance dans la monnaie est résolue par la confiance en les voisins. Tout ça sont des manifestations d'une tentative par la société de repousser la sphère de la marchandise au profit d'une logique, en effet, de collective ou de bien commun. Ça se pose à l'échelle des gens et ça se pose évidemment à l'échelle globale, puisqu'on a des biens publics mondiaux aujourd'hui, dont on voit bien que la production, par exemple, protéger le climat ne va pas surgir des mécanismes marchands. Il va bien falloir que, alors cette fois, les États, il faut que ce soit à un stade au-dessus, s'entendent pour faire ce qu'il faut pour discipliner les marchés de manière à obtenir ces résultats-là. Donc on est bien dans une phase où la question du collectif et du don marchand est extrêmement active, mais vraiment sous la forme de la reconquête à partir d'un point de marchandisation peut-être maximum que nous avons atteint, qui est peut-être derrière nous, peut-être pas. Juste un point Yves là-dessus. Duroux. Un point là-dessus, c'est que je ne suis pas entièrement d'accord avec toi, Père Noël, pour dire que la situation matérielle a disparu. Parce que souvent, Brodel indique que la situation matérielle, c'est bon, des gestes élémentaires, par exemple le travail domestique. C'est-à-dire, finalement, toute une série de choses qui permettent la survie. Hein, et qui, d'une certaine façon, on peut dire qu'il y a une tendance à marchandiser maximalement. C'est pour ça que reconquête, je dirais, résistance très longue et possibilité finalement que certaines sphères n'arrivent pas à être complètement marchandisées. Donc je pense qu'il y a bon une zone. Alors Brodel évidemment peut-être il confond un peu. Il dit l'économie informelle. Nous le monde, c'était un peu dans ces années-là. Je me rappelle, on en parlait beaucoup à propos des pays de l'Est. La proportion de l'économie informelle, 30 à 40%. C'est son vieux proudhonisme. Ouais, ça semblait gigantesque. Mais il insiste là-dessus à la fin des temps du monde. Et moi, je crois qu'il y a toujours, dans cette idée des trois strates, Brodel pense qu'elles ne peuvent pas disparaître, qu'elles sont en interaction, enfin, il emploie des mots très généraux, etc., mais qu'elles ne peuvent pas disparaître. Et je pense que finalement, ce qu'on appelle le travail domestique, qui a été quand même la grande découverte des féministes, hein, bon, le travail domestique, à ma connaissance, il n'a pas disparu. Il n'a pas disparu et sa marchandisation bute. Voilà. Pierre-Noël Giraud. Moi, je pense que le travail domestique, évidemment, n'a pas disparu, mais il est entièrement soumis à des logiques marchandes. Hein. Une femme se demande, bon, si je fais le travail chez moi, ça me coûte que je gagne pas d'argent à l'extérieur, donc voilà ce que je ne gagne pas, et si je demande à une femme de ménage de m'aider, voilà ce que ça me coûte. Donc c'est ce que j'appelle... C'est marrant que toi qui étais si critique, au fond, d'une certaine idéologie, disons néolibérale, pour aller vite, hein, de la rationalité économique, tu ne la ressors maintenant comme une évidence. C'est du Gary Becker. La femme qui calcule comme une petite banque. Gary Becker. La femme comme une petite banque. Un mot rapide sur Gary Becker. Enfin, toute petite parenthèse. Donc, Gary Becker est le père du néolibéralisme. Qui est un grand économiste qui a eu un prix Nobel. Discuté par Michel Foucault dans. Un grand économiste qui a effectivement étendu le calcul rationnel à des sphères qui n'étaient pas les sphères de l'économie. Par exemple, la justice, par exemple, le mariage. Le suicide. Plein de choses. Oui. Et ce que Pierre Noël vient de nous dire, c'est que la petite femme calcule entre ce que va lui coûter la femme de ménage par rapport à ce qu'elle peut faire comme secrétaire et si elle achète un plat surgelé par rapport à ce qu'elle va faire si elle fait sa daube. Pas uniquement la femme, d'ailleurs. Ce qui est en cause, là, je crois que c'est une discussion très profonde parce que c'est un courant puissant de l'économie ou des sciences sociales. Et il faut citer, évidemment, Polanyi. La question en jeu, c'est de savoir si le capitalisme ou l'économie est quelque chose qui se développe nécessairement comme parasite sur la base d'autres choses dont il vit et dont il pompe la valeur. C'est une très longue tradition, parce que d'une certaine manière, les thèses de Lénine ou de Rosa Luxembourg sont dans cet horizon intellectuel. Lénine qui est cité par deux fois par Fernand Braudel à la fin de la dynamique du capitalisme et à la fin de civilisation matérielle et économique. À l'époque, on ne pouvait pas faire autrement. J'aimerais bien alors qu'on rétrograde un petit peu, si je puis dire, dans la discussion pour reprendre cette distinction braudelienne entre économie de marché et capitalisme. Absolument. Économie de marché qui renvoie à des échanges de proximité intervenant dans les marchés réglementés et transparents, comme les foires de champagne et ça. Et puis le capitalisme qui consiste à contourner les règles de la concurrence. Donc, qu'est-ce que c'est que cette dualité braudelienne, quand même essentielle pour comprendre le reste. Pour ouvrir la question. Alors, économie de marché et capitalisme. Pour ouvrir la question. C'est vrai, Braudel cite Lénine, mais il cite un Lénine très particulier. Oui. Le Lénine qui expliquait, après la révolution d'octobre, que la petite production paysanne engendrait jour après jour le capitalisme. Phrase très lourde. Parce que la chasse au coulac, ça vient de là. La collectivisation des campagnes, ça vient de là. Donc, d'une façon, phrase très lourde. Bon. Et Braudel cite ça avec horreur. Il faut dire les choses comme elles sont. Cite ça avec horreur. Pourquoi ? Parce que pour lui, les deux strates sont différentes, sont substantiellement différentes, n'obéissent pas aux mêmes règles. C'est ça qui est très étrange. Pour lui, le marché, comme il le dit, c'est une certaine transparence, une certaine proximité de l'information. On sait approximativement ce qu'on va avoir. C'est un peu le boucher et le boulanger d'Adam Smith. Hein. Bon. Par contre, le capitalisme, c'est le monopole. C'est monopole. Et il insiste fondamentalement, cette dualité, c'est ça. Et d'une certaine façon, pour Braudel, cette dualité, je dirais, c'est presque une dualité axiologique, même si c'est une dualité historique pour lui, que le capitalisme s'appuie sur les jeux de l'échange, s'appuie nécessairement. Le monopole, c'est l'opacité, donc. Mais le monopole, c'est l'opacité ou l'asymétrie de l'information. Voilà, ils savent, le marchand sait qu'il y a telle chose à tel loin de l'autre, et l'autre, il ne sait pas, puisque... Donc, il y a un problème d'espace, de temps, d'information, et c'est deux univers différents, pour Braudel. Alors, je sais que Pierre Noël est contre, il l'a dit explicitement, il l'a écrit, je suis contre cette distinction de Braudel. Or, cette distinction, il faudrait revenir, elle est centrale pour la constitution de l'économie politique. Par exemple, chez Marx, c'est très clair que le rapport entre production marchande et capitalisme est une question clé. Chez Adam Smith aussi, et chez Ricardo, on peut dire que c'est réglé. Il n'y a pas de production capitaliste qui ne soit pas marchande. C'est identifié. Étienne Balibar. Oui, moi je voudrais dire simplement, en allant dans le sens de ce qui vient d'être avancé par Yves Duroux, que ce qui me paraît frappant chez Braudel, je ne sais pas si c'est vrai, hein, il se peut même que ça soit, au fond, réfuté historiquement, c'est le fait que Braudel se situe en marge et à l'opposé conjointement du courant traditionnel de l'économie libérale et du marxisme. Et du même coup, évidemment, l'intérêt qu'il a pour nous, qui est un intérêt épistémologique, philosophique, mais peut-être aussi politique, c'est de mettre en évidence certains postulats qui sont communs au marxisme et au libéralisme économique. Bon, or, je pense que la question, en effet, de la disjonction et de l'articulation entre la structure du marché et celle du capital est cruciale dans cette affaire. Bon. Parce que l'idée d'un mécanisme unique, si vous voulez, qui soit le grand mécanisme de la marchandisation accompagnant le développement du capital, c'est quelque chose que le libéralisme et le marxisme admettent l'un et l'autre, qui est leur bien commun, c'est valorisé de façon radicalement opposée par l'un et par l'autre sur le plan politique et sur le plan humain, tout simplement. Bon, mais c'est leur postulat commun, même si en réalité l'un et l'autre ne cessent de se heurter aux innombrables difficultés que comporte cette articulation. Bon, alors aujourd'hui, en 2010, au moment de la crise de l'euro, etc., bon, au moment où le Wall Street Journal publie des éditoriaux sur le thème, il serait peut-être temps que les États, les sociétés se décident à apprendre quelque chose de la logique marchande et comprennent les signaux que les marchés leur envoient. Ça peut paraître tout à fait aberrant de vouloir, comme Braudel, stratifier, distinguer, opposer d'un côté la logique marchande et celle du capital d'autre part. Mais il y a là une question à creuser, surtout si on revient, je n'ajoute qu'un seul mot, surtout si on revient à la façon, je le répète, fondamentalement anthropologique, dont Braudel essayait de fonder cette distinction. Bon, c'était une distinction de temporalité, c'était surtout une distinction d'espace, une distinction de type spatial. Hein, au fond, ce qu'il appelle marché, ce sont les phénomènes d'échange dans lesquels les gens se rencontrent au fond. Oui, ce sont les foires, directement de champagne, les uns des autres. Donc c'est un concept anthropologique de l'échange qui est plus large que la vente et l'achat ou que la loi de la valeur, bon, et dont la logique, à ses yeux, en effet, n'est pas, en tout cas conceptuellement, la même que celle du monopole, qui est fondamentalement une structure politico-économique de grandes dimensions, de grands espaces et d'accumulation intensive. Mais ce qu'il appelle marché, donc, ce sont effectivement les foires, par exemple, et ce qu'il appelle capitalisme pour sa période 15e, 18e. C'est pas un parasite, hein, c'est le commerce au long cours. Hein, c'est le commerce au long cours, les marchands vénitiens, les diasporas, juives, arabes, indiennes, etc., qui ont sillonné de la Méditerranée à l'océan Indien, de la mer Noire à la Chine. Hein. Donc là, il y a toute une, effectivement, une description de cette dynamique-là. Moi, je voulais dire, essentiellement aujourd'hui, Braudel n'est pas un économiste. Mais il permet effectivement de comprendre ce qu'on pourrait appeler des présupposés de l'économie politique. Et un des présupposés très forts, c'est le fait qu'il faut qu'il y ait une loi de la valeur, quelle que soit la formulation de la chose, c'est que d'une certaine façon, le capitalisme et l'échange marchand doivent, disons, relever du même type d'espace théorico-intellectuel. Voilà. Et je pense que Braudel, n'étant pas un économiste, donc effectivement, faisant froisser les économistes, fonctionne hors de cet espace. Il a ses propres présupposés idéologiques. Hein. Je disais tout à l'heure, en incise comme ça, de façon un petit peu provocatrice, c'est son vieux côté proudhonien. Ça serait toute une histoire intellectuelle intéressante à refaire. C'est la Franche-Comté, comme dit Viroux. Bon, je ne dis pas que les présupposés idéologiques de Braudel ne sont pas eux-mêmes profondément contestables. Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir une alternative. Pierre-Noël Giraud. Alors, que signifie que je ne crois pas à cette distinction ? D'abord, cette distinction, et Braudel le démontre de manière extrêmement brillante et détaillée, existe dans la réalité. C'est-à-dire qu'il est bien évident que le fonctionnement d'un marché de bourg rural et le fonctionnement des grands marchands banquiers, parce qu'ils sont tout en même temps d'Amsterdam, n'est absolument pas le même. Que dans un cas, on a en effet une certaine concurrence, une certaine prévisibilité des gains et des pertes. Dans l'autre cas, on est dans le domaine du monopole, de l'asymétrie d'information, de gains exceptionnels, aussi de pertes fracassantes, etc. Bon, il ne s'agit pas de nier l'existence de ces différences. De même qu'aujourd'hui, on voit très très bien qu'entre la concurrence entre deux boulangers dans la même rue et la concurrence entre Morgan Stanley et Goldman Sachs dans l'élaboration d'un nouveau produit financier qui va permettre de tromper une grande quantité de gens. Sauf qu'on parle moins des boulangers. C'est évidemment pas la même chose sur le plan strictement empirique. Mais ce qu'il faut comprendre, et ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est que cette différence, une fois qu'on l'a établie, est-elle fondée théoriquement d'une part, et surtout, quelles conséquences en tire Brodel ? Alors, je pense qu'elle n'est pas fondée théoriquement parce que, et ça, l'économie contemporaine en rend compte, la règle n'est pas la concurrence, la transparence et l'information. La règle, c'est le contraire. Et c'est vrai partout, pas seulement pour Goldman Sachs, même pour le boulanger. Donc, renversons les choses. Il ne faut pas croire en Smith, c'est ça le problème. Smith disait la concurrence permet à l'égoïsme particulier de se transformer en intérêt général. Mais non, la concurrence n'existe nulle part. Quand vous dites voilà. C'est vrai partout, le boulanger, par exemple, il ne va pas diffuser le secret de sa levure. Non, enfin, on est dans l'innovation. Il est en concurrence avec l'autre boulanger, mais s'ils sont deux, ils vont finir par s'entendre, nécessairement. Bon. La concurrence est partout limitée. Pourquoi ? Parce que l'acteur économique a horreur de la concurrence. La concurrence, c'est l'enfer. Donc, vous pouvez être certain que tout acteur économique, du boulanger au plus grand banquier, n'a qu'une idée en tête, c'est de sortir de la concurrence. Eh bien, ils y arrivent très souvent, et de plus en plus souvent. Donc, sur le plan théorique, cette distinction qui est fondée sur concurrence ou monopole, en gros, oui. ne tient pas. Et deuxièmement, est-ce que je peux t'interrompre une seconde ? La grande idée de Brodel, c'est que les capitalistes qui opèrent à l'échelle mondiale, le capitalisme financier en particulier, surmontent la concurrence dans la mesure où ils font intervenir en réalité l'État, c'est-à-dire leur articulation et leur connivence, et pour ne pas dire leur pratique de corruption permanente, qui leur permettent d'utiliser précisément la force de l'État ou les interventions du politique de façon à créer les monopoles. De sorte que le côté peut-être un peu archaïsant de Brodel, franc-comtois, on disait tout à l'heure, bon, un paysan, on serait tenté de dire, bon, réside, semble-t-il, dans l'idée qu'il se fait d'une petite circulation où, fondamentalement, le politique ne joue pas. Et c'est peut-être ça qu'il faudrait remettre en question de ton point de vue, c'est-à-dire suggérer que, à des échelles différentes, naturellement, le politique joue partout. Absolument. Mais d'autant qu'en plus, le monopole ne vient pas uniquement de la capacité des acteurs du capitalisme à corrompre le pouvoir politique. Il y a des raisons, disons, intrinsèques, d'ordre technique aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est que la deuxième chose qui fait que je ne suis pas d'accord avec Brodel, c'est que, entre les lignes, et jamais de façon très explicite, sur cette distinction, Brodel dit qu'on pourrait conserver l'économie de marché et maîtriser ou quasiment supprimer, mais maîtriser totalement les aspects néfastes, déséquilibrants et comment dire, moralement inacceptables du capitalisme. Et c'est cette idée qui est fausse. On ne peut pas avoir une économie de marché vertueuse d'un côté sans des activités capitalistes. On peut maîtriser dans une certaine mesure les activités capitalistes. J'ai dit que c'était bien l'enjeu aujourd'hui, que les États étaient affaiblis puisque l'espace géographique des États n'est plus le même. Enfin, diverge très largement de l'espace géographique de l'économie. Mais c'est ça la vraie dialectique. C'est l'État ou les pouvoirs étatiques et le capitalisme et non pas une dialectique entre économie de marché et capitalisme. Voilà ce que fondamentalement. Oui, il y a dialectique entre une coordination entre État véritable, authentique, oui. etc. Oui. Et effectivement la dynamique capitaliste en elle-même. Alors, Christian. Oui, je suis entièrement d'accord avec Pierre-Noël Giraud. Je ne vois pas très bien. Cette opposition, en fait, les deux économies coexistent. La question est de savoir quel est le rapport de force entre l'une et l'autre. Au Moyen-Âge, la petite production marchande, hein, j'aime mieux d'ailleurs ce terme-là, l'emporte même si déjà des traces de capitalisme existent. Et puis ensuite, progressivement, le capitalisme s'impose, ce qui n'empêche pas la petite production marchande et le marché de subsister à la marge, mais de subsister de manière dominée. Parce qu'on a cité le boucher comme exemple du marché qui subsisterait. Mais non, fondamentalement le prix de la viande que le boucher vend, il est lié aux logiques de la politique agricole commune, aux logiques d'un système de prix qui est décidé en dehors du boucher. Alors à la marge, oui, le boucher X peut vendre sa viande 50 cents moins cher que le boucher Y, mais c'est à la marge. Donc la question est de savoir quelle est l'économie dominante, quelles sont les forces qui s'imposent aux autres. Christian van der Motten, vous avez en tête ce que Fernand Braudel a écrit sur Bruges ? Non, pas spécialement. Pas spécialement, vous n'avez pas relu. Spécialement, c'est pas grave. Je n'ai pas relu ce qu'il a écrit sur Bruges. Ceci étant, je pense qu'effectivement, cet essor des économies urbaines au Moyen-Âge, que ce soit aux Pays-Bas ou que ce soit dans le nord de l'Italie, a été vraiment l'élément fondateur du développement de l'économie européenne. C'est là que la spécificité de la classe marchande européenne s'est créée par rapport à ce qu'ont été les marchands, et je ne dis pas la classe marchande nécessairement, dans d'autres économies. Hein. Et je voudrais revenir d'ailleurs de ce point de vue-là à quelque chose dont on a parlé tantôt, mais on n'a peut-être pas assez souligné, que Braudel indique très bien la différence qu'il fait entre le marchand chinois dans l'Empire, là où il est contrôlé par un pouvoir politique qui s'impose à lui, et le marchand chinois en insulaire, qui a beaucoup plus d'espace de liberté. Mais a beaucoup plus d'espace de liberté sans pouvoir s'appuyer sur un État dans lequel il s'insère, à la différence du marchand européen, qui lui va pouvoir s'insérer, en tout cas dans les situations les plus favorables, politique. L'Angleterre, les Provinces Unies et la France, dans un État qu'il contrôle éventuellement dans le système parlementaire, ou en tout cas auquel il est associé parce que le pouvoir politique a besoin de son argent. Merci beaucoup, messieurs, pour tous ces éclaircissements. Merci à Étienne Balibar, Yves Duroux, Pierre-Noël Giraud. Merci à Christian van der Motten. Attaché d'émission, Diane Lamant. Prise de son, Frédéric Changenet. Réalisation, Franck Lilin. Dans quelques instants, nous allons poursuivre notre matinée en nous rendant cette fois-ci à Gênes, en Italie, où nous aurons l'occasion de vérifier sur place, en visitant le port et en interrogeant un historien de la Banque Saint-Georges, la première banque mondialisée, de vérifier les retombées de notre discussion. Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde par Philippe Petit. Gênes, la Méditerranée, berceau du capitalisme moderne. Une ville comme Gênes, c'est la ville des banquiers, c'est la ville des grandes familles richissimes, à côté d'ailleurs d'une population misérable. Le petit univers de Gênes et des rivières génoises, c'est un 500 000 d'hommes dominés par même pas une centaine de familles. Et ces familles alors disposent des richesses fabuleuses parce que les banquiers génois, les nobili vecti de la région de la ville de Gênes, attiraient dans leurs mains les richesses non seulement de l'Espagne, de la Méditerranée, mais du monde occidental en son entier, et même d'Amérique. Le capitalisme génois a été longtemps vigilant dans ce centre exceptionnel qu'est la ville de Séville. La richesse ancienne de Gênes Sa volte-face politique en 1528 ont préparé à l'avance sa fortune ainsi que son implantation précoce en Andalousie et à Séville. Sa participation non seulement au commerce entre l'Espagne et les Indes, mais aussi entre Séville et les Pays-Bas. Ce commerce nourrissant l'autre. Je note que les Génois l'emportent tard à Anvers, pas avant 1555, mais ils ont été actifs sur la place de Lescot dès le début du siècle et y sont de 1488 à 1514, les premiers de tous les marchands italiens. Il semble bien qu'ils aient, par la suite, financé les liaisons nord-sud, et cela au moins jusqu'en 1566. Et alors, les ports de la Méditerranée qui, dans ces dernières années, on marche très bien, sont nos principaux concurrents dans les pays étrangers, sont en Espagne, et sont Barcelone et Valencia. Ce sont les deux ports qui marchent très très bien. Fernand Braudel a lancé l'expression « siècle des Génois » ou « siècle de Gênes » si vous préférez, et une expression que les historiens génois eux-mêmes n'avaient pas utilisée, sur laquelle ils expriment sans doute des nuances plus importantes que Fernand Braudel. La question sur le siècle des Génois est une question qui est assez amusante, parce que ceux qui ne partagent pas l'idée d'un siècle des Génois ne le font pas savoir. Ils le font savoir, mais sotto voce. Il vous explique que ça n'est pas l'élément essentiel, ça n'est pas ce qui fait l'importance de Gênes. Antoine-Marie Graziani. Dans la réalité, d'un point de vue politique, le politique est quand même récent, en disant l'histoire politique est plus récente à Gênes que cette nouveauté de l'histoire économique et de l'ouverture sur la Méditerranée qu'offre, y compris cette formule du siècle des Génois. C'est une formule aussi qui a été remise en cause par des historiens qui avaient en tête de montrer d'autres modèles. Ces modèles, ils les ont développés à côté de la position brodélienne, et d'une certaine façon, les deux modèles peuvent cohabiter. Je pense à Eduardo Grandi, par exemple, ou Osvaldo Raggio, qui ont travaillé sur une autre vision de Gênes et de l'État génois, plutôt tournée vers ce qu'on appelle la micro-histoire, dont Eduardo Grandi a été un des principaux tenants, par rapport à une histoire qui était plutôt tournée vers l'économique et le social, qui correspond en fait au canon de l'histoire française des années 50, 60, 70, et qui ensuite, bon, on le sait, aujourd'hui ont été remis en cause. Comment s'explique cette expression chez Fernand Braudel? C'est surtout le fait qu'il a voulu insister, me semble-t-il, sur cette espèce de symbiose ou d'alliance, diront certains autres, entre Gênes et l'Espagne à partir de la réforme d'Andrea Doria en 1528. Michel Ballard. Car en effet, les Génois se sont installés véritablement dans le système de la cour des Habsbourg et ont profité de multiples façons de la richesse apportée depuis les Amériques essentiellement. Vous savez qu'il y a une expression consacrée de Francisco de Quevedo qui disait que l'argent naissait au Pérou, passait par l'Espagne et était enseveli à Gênes. Cela montrait donc la richesse considérable que les Génois ont pu réunir grâce, si vous voulez, à leurs interventions dans les finances, dans la vie politique et même dans la vie militaire et navale de la cour d'Espagne. Combre impegnata? Capitano? No. Je crois qu'il y a une continuité, si vous voulez, parfaite entre l'essor de Gênes au cours du Moyen-Âge et puis ce que nous constatons pour le XVIe siècle. Si je reviens un instant sur le siècle des Génois, c'est simplement pour montrer que ce siècle des Génois s'est caractérisé, surtout dans la ville de Gênes, par un essor artistique considérable. Donc tout cela exprime bien la puissance qu'avait acquise l'aristocratie génoise au XVIe siècle, mais une aristocratie qui est, disons, le prolongement de ces riches marchands que nous voyons exercer leur entreprise, leur commerce au cours du Moyen Âge et sur lesquels je me propose naturellement de revenir dans un instant. Ah ben, nous pouvons commencer à marcher. Si, non, est télévision, non. Ah oui, bonjour. Prego, prego. È un po' dura, si aspetti che. Aspetta, ecco. Perché fa. C'è il braghettone che. Prego, prego. Francesco Frumento. Ah, voyez, ça. Ça, c'est une bombe française. C'est une bombe française du 1680 à peu près. Louis XIV. Louis XIV, exactement. A lancé 13 500 de ses bombes sur Gênes. Et avait déjà, pour l'époque, une puissance considérable, parce que avait arrivé à une distance d'un kilomètre et demi, à peu près, et était complètement pleine de poudre, avait une capacité de destruction considérable. Oui, oui. Prêt. Alors, il y a toujours chez les Génois, à la fois... un espèce de regret, hein. Il y a un remords. Hein. Ils ont quelque part abandonné la mer. Ils l'ont abandonné au profit de leur environnement et au profit, bien sûr, de ces puissances, notamment les Nordiques, qui à partir de 1590, si vous voulez, vont arriver en Méditerranée et vont apporter des mutations. Alors, ils regardent avec certaines angoisses de certains côtés et en même temps une certaine envie ces bateaux qui sont les bateaux ronds et qui apportent effectivement la richesse du nord de l'Europe. C'est quelque chose qui a un impact sur eux, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont le reproduire. Non, il y a d'autres bateaux. Ces bateaux correspondent à des puissances. Ces puissances peuvent travailler quelque part pour eux. Donc, après tout, pourquoi aller se mettre sur la même ligne qu'eux ? Alors, de temps en temps, bien sûr, on trouvera des jeunes, on les appelle les jeunes, après on les appelle les nouveaux, et ainsi de suite, qui vont dire, notre État disparaît, nous sommes, enfin, c'est un peu les souverainistes de l'époque, notre État est en train de disparaître, nous n'avons plus les moyens d'eux, nous avons été, nous ne sommes plus, etc. Et à ce moment-là, on se tournera vers les endroits où on peut trouver du bois, la Corse en particulier. Et c'est la grande. Il y a deux grandes périodes autour des années 1590 et puis autour du milieu du XVIIe siècle, où on va se tourner vers la Corse pour essayer de tirer le maximum du bois pour fabriquer la nouvelle puissance. Mais en fait, dans la réalité, très rapidement, on abandonnera l'idée parce que ça, c'est trop cher. Et puis que l'État n'a pas les moyens, d'une certaine façon, l'État génois n'a pas les moyens d'un simple banquier. Alors, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi Gênes a été ainsi jeté à la mer, comme l'exprime Jacques Hers. Nous sommes dans un territoire qui a très peu de ressources naturelles. Bien sûr, il y a les oliviers, il y a la vigne, mais il n'y a pas de grand terroir agricole. De telle sorte que, à partir des 10e, 11e siècles, les Génois ont conçu l'activité maritime, l'activité commerciale, comme une frontière, c'est-à-dire une nécessité pour se développer. Et ce développement a été dû, semble-t-il, à l'origine, d'une part à un certain nombre de surplus agricoles venus de l'intérieur, ou d'autre part aux ressources procurées par le butin acquis sur les Sarrasins. Et peu à peu, cela a fait boule de neige, et évidemment, il faut citer aussi l'importance des croisades comme stimulant de l'activité commerciale, puisque grâce à l'affrètement de navires génois par Philippe Auguste d'un côté, par Saint-Louis de l'autre, cela a procuré aux armateurs génois des fonds tout à fait remarquables. Même, comme vous pouvez voir, cette partie du port s'appelle les portes anciennes. Et au-dessous, il y a vraiment les ports comme étaient dans les 1500. Aujourd'hui, on a refait complètement tout, mais c'est une chose moderne. C'est une imitation de Miami Beach. mais il serait plus intéressant de voir les ports comme étaient vraiment au Moyen-Âge, parce qu'au-dessous est complètement intact. Eh bien, je crois que le phénomène fondamental, c'est le report vers l'Occident d'activités commerciales qui étaient majoritairement orientées vers l'Orient. Car, bien sûr, vous n'ignorez pas qu'au cours du Moyen-Âge, Gênes a construit sa puissance maritime, financière, marchande, avec l'ensemble de ses comptoirs qui se trouvaient en Méditerranée orientale et en mer Noire. Je rappelle simplement, d'une part, l'existence au cours de la période des croisades de comptoirs comme ceux d'Acre et de Tripoli. Ensuite, bien sûr, l'importance de la présence génoise à Constantinople avec le quartier de Péra qui était véritablement au XIVe siècle un état dans l'état byzantin, la possession de multiples comptoirs en mer Noire sur la côte de Crimée avec en particulier Kaffa, aujourd'hui Féodosia, et puis aux bouches du Danube, Kilia, Lycostomo, Vicina, Latana aux bouches du Don, Trébizonde sur la côte septentrionale de l'Asie mineure, tout cela constituait, si vous voulez, un réseau extrêmement important, de sorte que l'on a pu parler d'un véritable Commonwealth génois qui s'étendait depuis Londres et Bruges, où les Génois étaient très présents au cours du Moyen-Âge, jusque pratiquement à Pékin, si je peux utiliser cette expression, puisque dans la première moitié du XIVe siècle, un certain nombre d'hommes d'affaires génois se sont rendus jusqu'en Chine pour y acheter la fameuse soie chinoise qui coûtait beaucoup moins cher que les soies du Proche-Orient. Alors, cette partie du port s'appelle le port ancien. Et effectivement, c'était les ports qui existaient au Moyen-Âge. Les ports, cette partie des ports est durée comme port commercial encore jusqu'il y a 50 ans, il y a... Après la Deuxième Guerre mondiale. Ce capitalisme commercial, il est fondé, me semble-t-il, sur l'existence de sociétés qui ont une base familiale. Et je crois qu'il est très important de souligner le rôle des alberghis génois, c'est-à-dire de ces associations de nobles qui comprennent aussi de plus petites gens, qui sont centrés autour d'une tour nobiliaire et d'un quartier fermé, et qui exercent la marchandise, puisqu'il n'y a aucune contradiction à Gênes, entre le fait d'être noble et le fait d'exercer la marchandise. Donc c'est une base essentiellement familiale, mais c'est aussi, un deuxième trait qu'il faut souligner, une participation assez générale de la population à l'activité commerciale. Car en effet, grâce à un certain nombre de contrats qui sont passés devant des notaires, par exemple des contrats de commande ou des contrats de societas maris, société de la mer si vous préférez, on voit des artisans, on voit des femmes, des veuves parfois risquer quelques sommes dans l'activité commerciale en la confiant ces sommes à des marchands itinérants qui se rendent vers l'outre-mer génois. Donc il y a véritablement une sorte de généralisation de l'activité commerciale à l'ensemble de la société génoise, et on voit même des clercs qui participent aussi à cette activité. Alors, aujourd'hui, les marchandises arrivent, sont tout, presque tout containerisées. Ne sont pas containerisées seulement les marchandises que l'on ne peut pas les containeriser, c'est-à-dire les solid bulk, par exemple les kaolin. Les kaolin arrivent de la Tunisie, ou le pétrole, ou aussi le vin, parce que l'Italie produit beaucoup de vin, mais importe beaucoup de vin du nord de l'Afrique. Il s'agit d'un vin qui a une haute gradation alcoolique, mais d'une qualité plutôt bas. Mais il vient coupé avec des vins locaux, pour l'améliorer. Et vient mis, pas dans les bouteilles, mais dans les boîtes en charton. Et c'est un vin qui est vendu en coût bas. Alors, tous les autres, les gros des marchandises qui sont containerisées, arrivent en grande partie dans l'Extrême-Orient. Mais attention, aujourd'hui, les coûts du transport a une influence sur les prix terminal plutôt modeste. Ce qui a une influence considérable sur les prix terminal, c'est le travail, la main d'œuvre. Et alors, les marchandises tournent le globe même plusieurs fois pour faire un segment de travail dans les points qui est le plus productif. Par exemple, les peaux des animaux pour faire des bourses, des vêtements, sont produits en Australie et sont portés, par exemple, en Toscane, tout près de Florence, où il y a, pour les peaux raffinées, il y a des fabriques pour la conciare, les peaux qui sont très évoluées. À la fin, quand les peaux sont terminées, peuvent aller dans l'Extrême-Orient pour la réalisation, par exemple, sous la supervision des sociétés italiennes, mais la main d'œuvre est tout chinois. Ça, c'est un exemple. Alors, aujourd'hui, la plus grande partie des conteneurs arrivent dans l'Extrême-Orient pour la raison que dans l'Extrême-Orient il y a une haute productivité et la main d'œuvre coûte plutôt peu. Alors ça a créé une nouvelle route de navigation. Dans l'Extrême-Orient, l'on passe par l'océan Indien, Mar Rouge, Suez et l'on arrive dans la Méditerranée. Attention, quand les bateaux sont dans la Méditerranée, encore il y a 20 ans, sortaient par Gibraltar et allaient ou dans l'Amérique du Nord ou du Sud et dans l'Europe du Nord. Aujourd'hui, la plupart des bateaux qui arrivent dans la Méditerranée déchargent dans les ports de la Méditerranée. Et avec, par exemple, des trains, les marchandises sont portées en Allemagne, en Suisse. Par exemple, le port de Gênes est le port de la Suisse. Vous savez, quand, dans la dernière guerre mondiale, les ports étaient contrôlés par les militaires de l'Allemagne. Et quand il y a eu la libération, l'on avait peur que les Allemands, en s'en allant, faisait sauter les ports de Gênes. Alors, il y a eu des gros problèmes pour les sauver. Les partisans disent, c'est nous parce qu'ils avaient peur de nous. L'Église catholique dit, non, c'est moi que je suis d'intermédiaire. La vérité, c'est la Suisse. La Suisse a sauvé Gênes parce qu'elle a dit, non, les ports de Gênes, c'est à moi et tu ne les dois pas détruire. Et comme l'Allemagne portait ses capitales en Suisse, elle dit, oui, d'accord, ça c'est la vérité. Gênes a été une couche pour le capitalisme financier. Et il a commencé du 2e, 13e siècle avec le commerce. Ensuite, les capitaux se sont cumulés dans les siècles. Ils ont trouvé dans la Banque de Saint-Georges les moyens pour se multiplier plus. Giuseppe Fellone. Et au XVIIIe siècle, Gênes était peut-être le premier ou le second, après Genève, centre financier de l'Europe. Gênes est une république de dimensions assez limitées, avec peu de ressources matérielles, et sauf les ressources de l'argent. Et donc, Gênes était alors comme, en quelque façon, la Suisse des dernières décennies. La banque, une banque internationale. Dès la moitié du XVIIIe siècle, les banquiers génois, qui étaient des capitalistes, pouvaient donner de l'argent, pouvaient prêter de l'argent à tout le monde d'Europe, sauf l'Espagne et sauf l'Angleterre. Mais dès la Russie à la Norvège jusqu'au roi de France, Gênes prêtait de l'argent à tout le monde, jusqu'aux féodataires de l'Hongrie. Encore aujourd'hui, si vous cherchez dans les archives de Gênes, vous pouvez trouver des cartes, des hypothèques sur les fiefs de l'Hongrie qui appartenaient à des féodataires qui n'ont pas remboursé Gênes et dont les terres ont été prises par les Génois. Donc, la puissance financière génoise à la fin du XVIIIe était formidable, vraiment à niveau européen. Mais on a eu une grande disgrâce, c'est-à-dire l'arrivée de Napoléon et l'application au crédit génois, qui particulièrement vers la France était énorme, du principe de deux tiers, la banqueroute de deux tiers, qui avait déjà dépaupéré la France. Donc, quand Gênes est devenu, après 1815, une ville de l'État de Savoie, et le progrès était désormais sous les signes de la révolution industrielle, Gênes s'est trouvé en difficulté parce que beaucoup de ses capitaux étaient finis avec sa dette publique. Alors, parlons de la dette publique, si vous voulez. Gênes a toujours eu un état d'une extrême faiblesse. Et ceci a été souligné par Fernand Braudel également. Il faut dire que Gênes est essentiellement un conglomérat économique. Et on ne peut pas parler de véritable état lorsque l'on évoque l'histoire de Gênes. L'État, c'est, si vous voulez, la domination de tel ou tel clan sur la chose publique, et ces dominations, eh bien, sont peu durables, c'est-à-dire qu'elles se renversent très fréquemment. On a souvent parlé du fait que Gênes s'était donné soit aux Milanais des Visconti et des Sforza, soit au Royaume de France, pour essayer d'apaiser, si vous voulez, les querelles existant entre les différentes factions aristocratiques. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, ce qui est essentiel dans l'histoire de Gênes, c'est véritablement l'organisation de l'activité économique et les rivalités qui peuvent exister du point de vue économique entre les grandes factions qui dominent la ville. La dette publique des États modernes est bâtie sur les impôts. Bon, le premier cas d'une dette publique bâtie en cette façon est à Gênes, dans le XIIe siècle. Le premier cas d'une dette publique qui est basée, qui est fondée sur les impôts. Nous avons des contrats faits par l'ancienne commune de Gênes en 1147 qui démontrent ce fait. Après environ 50 années, dans la dette publique de Gênes, a été introduite la division en pièces de 100 lire. Et la division en pièces de 100 lire, qui était donc une des priorités de Gênes, est encore aujourd'hui dans les listini di borsa, dans le, tous les bourses exchange stock du monde, traite les titres sur une base de 100. Et donc la première occasion de ces bases était à Gênes au XIIIe siècle. Donc, pour ainsi dire, à Gênes, on a inventé, appliqué, pas inventé, mais appliqué sur une large escale, l'escompte. L'escompte des titres publics au XVe siècle. À Gênes, on a eu les premiers banquenotes en 1630. Banquenotes nominatives, pas au porteur comme aujourd'hui, mais quand même, beaucoup avant que la Banque d'Angleterre. C'est par Gênes que les choses se passent. Lorsque la phrase dit « l'argent né en Amérique qui passe par l'Espagne et dort à Gênes », on est dans un certain nombre de vérités. Mais d'une certaine façon, il ne dort pas à Gênes, justement. Il rebondit et on va avoir au contraire la possibilité d'ouvrir avec un grand angle, d'aller travailler, y compris chez l'adversaire, à Venise. On a, contrairement à ce qu'on imagine bien souvent, il y a les liens entre Venise et Gênes, d'un point de vue financier, ne sont pas absents, hein, bien au contraire. Avec Florence, qui est un autre, à la fois partenaire et adversaire de Gênes. Mais c'est vrai que cette interpénétration du système politique de l'Empire et de la royauté espagnole avec une puissance financière de premier plan qui est le système financier génois, c'est ce qui permet de comprendre d'une certaine façon, oui, l'entrée de l'essentiel dans cette direction qui est la direction ouest vers l'est. Ensuite, les pièces de 8 réaux espagnols, les lingots d'argent vont servir pour les achats de l'autre côté, c'est-à-dire vers l'Orient, alors vers l'Inde, vers la Chine, etc., etc., puisque ce sont des puissances qui, elles, d'une certaine façon, n'achètent pas de marchandises en Occident, et donc il va falloir, d'une certaine façon, trouver le lien, la possibilité pour acheter ces produits qui sont les produits recherchés depuis l'Antiquité et dont l'Europe a besoin et sur laquelle les Génois avaient commencé à faire leur fortune au Moyen-Âge, c'est-à-dire les épices, c'est-à-dire les produits venus de l'Extrême-Orient. La primauté du capitalisme génois au XVIe siècle n'est pas pensable en dehors du rôle attribué au métal blanc, à l'argent. Oui, mais avec une correction, c'est la capacité qu'ont eu les Génois de rafler sur les différents marchés européens tout l'or qui circulait pour pouvoir organiser l'échange et jouer du rapport entre l'or et l'argent. Ça, c'est une des données fondamentales qui explique la suite, qui explique y compris la construction des foires de Besançon, qui deviendront les foires de Plaisance, où les Génois sont ultra majoritaires. C'est une espèce de Davos avant l'heure, mais avec des moyens colossaux, qui permettent effectivement aux Génois de dépasser le stade simplement du rapport avec l'Espagne. Hein. C'est effectivement d'Espagne que vient l'argent, mais on a des besoins en or qui sont des besoins très forts, et il faut effectivement organiser le rapport entre l'argent et l'or, et c'est eux qui vont effectivement organiser ce rapport à travers les innombrables constructions qu'ils réalisent à partir de leurs lettres de change et dans tout le système européen avec... Bien sûr, avec l'Amérique en arrière-plan, mais avec cette capacité de ponctionner de manière régulière l'or en circulation pour pouvoir le recycler par rapport à l'argent. C'est ce jeu-là qui montre d'une certaine façon leur extrême agilité. En effet, pour l'Italie du Moyen-Âge, on parle de banquiers comme s'ils étaient des banques. Mais ce n'est pas... Il est absolument faux. Ils ne sont pas des banquiers comme nous les connaissons aujourd'hui. Ils sont des capitalistes parce qu'ils font des affaires financières, mais avec, pour la majorité, employant de ses propres capitaux. Donc ils sont des capitalistes. Il peut se donner que quelqu'un accepte de l'argent des parents, des amis, des connaissants, pour les employer avec les propres, mais ce sont des participations, pas des dépôts. Donc, la chose fondamentale est qu'il employait de ses propres capitaux, pour la majorité, et n'avait pas des dépôts, mais seulement des participations d'autrui. Au contraire, la Banque de Saint-Georges a des capitaux qui dérivent exclusivement des dépôts, et ce sont ces capitaux qu'elle emploie en crédit, en transfert d'un compte à l'autre. Donc c'est la première véritable banque de l'Europe, mais je dirais du monde aussi. Il n'est pas seulement ce, parce que dans le cours du temps, dans le 15e siècle, elle a reçu de l'État des territoires en propriété, exactement comme la Banque d'Angleterre a reçu l'Inde au 18e siècle. Et elle, la Banque de Saint-Georges, a eu aussi une sorte de contrôle vers les banquiers privés, donc comme la Banque d'Angleterre. Elle prêtait de l'argent à privé et à l'État, comme la Banque d'Angleterre. Donc elle avait, dès le XVe siècle, de traites absolument semblables à celles de la Banque d'Angleterre de ses débuts. Donc comme les traites d'une banque centrale pas accomplie, pas complète, pas d'aujourd'hui, mais un embryon de banque centrale, comme la Banque d'Angleterre. Parce qu'en fait, la grande idée quand même des Génois, c'est quand même de regarder cette Europe du Nord, ces bateaux particuliers dont ils ne peuvent pas bénéficier, les regarder avec beaucoup d'envie, hein, parce que bon, ils voient la capacité, notamment militaire. Que ce soit la flotte française ou la flotte anglaise. Hein, en Méditerranée, les Génois n'ont pas les moyens, d'une certaine façon, de se défendre par rapport à des flottes qui sont des flottes modernes, qui sont des flottes correspondant donc à ces bateaux ronds. Et toujours cette idée que, malgré tout, on peut trouver chez l'autre des moyens de meilleure connaissance. L'emploi, notamment, pour les coupes de bois de personnel venu d'Europe du Nord et particulièrement de Hollande. Lorsqu'on regarde les documents concernant les coupes de bois, on est frappé par un nombre assez considérable d'ingénieurs venus d'Europe du Nord, exactement comme pour les constructions de fortifications, d'ingénieurs venus du nord de l'Italie, voire de Suisse, pour un des plus brillants d'entre eux, qui est le Fratino, qui vient de Morcote, et qui donc vient de Suisse italienne, entre guillemets, du Tessin. Donc on a effectivement cette capacité importante chez les Génois d'aller s'inspirer de ce qui se fait de mieux ailleurs. Lorsqu'on parle des inventions génoises en matière financière, il y a aussi cette dimension-là, parce qu'on trouvera toujours quelqu'un pour dire qu'il a vu un document qui ressemblait à un acte plus ancien dans les archives de Florence ou ailleurs. Par contre, il aura du mal à m'expliquer comment, d'un coup, d'un seul, je peux avoir des centaines et des centaines d'actes identiques, ce qui montre effectivement la capacité, au-delà de l'invention, de populariser, de développer, et à ce moment-là, de trouver peut-être des formes auxquelles l'inventeur n'avait pas réfléchi à l'origine. Ici, il y a des autres quais. Libye, les noms sont Libye, Somalia, Érythrée, Éthiopie, c'est-à-dire des noms des ex-colonies d'Italie en Afrique, parce que ces quais ont été construits dans les périodes du fascisme, quand il y avait ces colonies. Ecco, ça, c'est que nous voyons, c'est la Libye, et l'on avait donné comme diciamo, gestion aux dockers. Alors, les dockers travaillaient comme presteurs de main-d'œuvre, mais en même temps, comme emprunteur. Mais comme emprunteur, on marchait très très mal et ils ont quitté. Et aujourd'hui, c'est un quai libre. C'est un quai libre public, c'est-à-dire. Et la loi prévède qu'il existe un quai public. Et pour cela, marche bien. Et par contre, ces deux ici, qui sont le Canepa et Ronco, sont de l'armateur et du terminaliste Ignazio Messina, la linea Messina. Messina, c'est une puissance économique parce que a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale. Il était un vieux Sicilien, un capitaine de bateau. Il a acheté un petit bateau. Tout à la fois, le business marchait bien, et c'est un grandi. Et aujourd'hui est une puissance parce que ces terminales que nous voyons ici, et il y en a dans beaucoup de ports du monde, et il n'a pas seulement les terminales, il y a aussi les bateaux, armateurs, terminales et spéditionnés, fait travail porte à porte, et c'est vraiment une puissance. Dans la plupart des comptoirs, donc, la bigarrure ethnique était étonnante. Est-ce qu'il y a eu des métissages ? Oui, bien sûr. Il faut évoquer le fait que l'émigration génoise vers les comptoirs d'Orient est une émigration essentiellement masculine. C'est-à-dire que il y a très peu de gens qui font venir leur famille. Donc, la conséquence évidente, c'est un concubinage qui, évidemment, a comme conséquence la naissance d'enfants nés de femmes tatars, mongols, abkhazes, lazes, etc., koumanes. La seule exception que l'on peut noter, c'est que on voit des mariages mixtes qui s'effectuent dans les classes sociales les plus élevées, en particulier à Péra, où s'effectuent des mariages entre les grandes familles génoises et, d'autre part, des femmes originaires de l'aristocratie byzantine. Donc, incontestablement, il y a deux types, si vous voulez, d'union mixte. Je ne parle pas de mariage, mais d'union mixte, c'est-à-dire d'un côté celle des marchands ou des artisans ou même des mercenaires qui gardent ces comptoirs, qui pratiquent un concubinage, et puis d'autre part des unions entre les couches supérieures des sociétés génoises et indigènes. Alors, il faut se rendre compte le caractère important du système privé. Il y a un système public, il y a toujours eu un système public à Gênes, autour de la commune, autour ensuite de la République, mais il y a un système qui est un système privé très fort. Depuis pratiquement les origines, je pense aux travaux de Michel Ballard sur la période médiévale, évidemment. Mais lorsqu'on regarde, par exemple, ce qui va advenir avec la nouveauté, c'est-à-dire Andrea Doria et ensuite, si vous voulez, ce qui suit, on se rend compte que le privé est quand même dominant. Un exemple très simple, la bataille de Lépante. Vous avez deux présentations à la bataille de Lépante. La première présentation, la République de Gênes présente trois navires à la bataille de Lépante, hein, trois galères. Et puis l'autre, tout aussi classique, nous dit 25. Alors c'est 3 ou 25. Dans la réalité, les deux ont raison. Les deux ont raison, les trois, c'est les trois galères de la République de Gênes. Les 22, ce sont les galères qui sont louées par les ascientistes à Philippe II et que Philippe II finira par racheter à Jean-André Adoria. Et c'est évidemment cette transformation de 3 à 25 qui permet de comprendre comment, d'une certaine façon, la petite République de Gênes peut se permettre un certain nombre de choses au XVIIIe siècle. La République de Gênes n'a pas besoin d'avoir une armée puisqu'elle a l'armée espagnole jusqu'au XVIIIe siècle pour la défendre. Non, elle n'a pas besoin d'avoir une marine puisqu'il y a les marines des autres ou qu'elle a sa propre marine mais employée et louée à un tiers dont il est le roi d'Espagne. C'est ce qui permet de comprendre, si vous voulez, cette espèce d'agilité dont parlait Brodel. Vous voyez, c'est cette agilité, cette capacité à rebondir constamment, à changer un petit peu les éléments qui permettent de comprendre comment, effectivement, comme le disait Giuseppe Felloni, à un moment donné, à la fin du XVIIIe siècle, on est devant peut-être la deuxième puissance financière du monde. Et c'est cela qui permet de comprendre. Alors, bien sûr, je regarde les bateaux qui rentrent dans le port de Gênes et j'ai les images qui sont des images, en fait, pas tout à fait exactes. Il y a de gros bateaux qui rentrent dans le port de Gênes, de grands bateaux qui rentrent dans le port de Gênes, qui vont apporter, effectivement, y compris le blé. Lorsqu'à la fin du XVIe siècle, Gênes manque de blé et que la Sicile, qui est ça, véritablement ça, l'élément fort, là où elle cherche son blé, ne permet pas de compenser. C'est là qu'on va aller chercher effectivement les Nordiques. Il y a effectivement cette espèce de mur de bateaux qui rentrent dans Gênes. Mais le gros de la circulation, on la voit, c'est une circulation de petit tonnage. C'est tous ces bateaux à voile latine que décrit Fernand Braudel dans la Méditerranée, les bateaux qui rentrent dans le port de Gênes, qui sont alors véritablement extraordinairement nombreux, avec des noms extraordinaires et changeants. Sur le même bateau, on peut retrouver avec trois ou quatre noms différents, Speronard, Scapavi, Felouk, Polak, Pinko, etc., etc., alors qu'il s'agit pratiquement toujours du même bateau, mais avec effectivement toute une série de noms divers et variés, pour représenter cette construction qui est une construction avec, oui, des bateaux à gros tonnage, oui, des bateaux plus moyens, et puis des bateaux tout petits, mais ces bateaux tout petits finissent par, grâce à leur afflux, à changer complètement les choses. Et jusqu'au moment où, effectivement, au cours du XIXe siècle, la marine à voile va disparaître, etc. Et on a les dernières images du port de Gênes avec des forêts de mâts, de petits mâts, parce qu'il s'agit de petits navires, évidemment, avec la nouveauté qui va être la révolution industrielle et tout ce que la révolution industrielle peut amener, effectivement, dans un port comme le port de Gênes. Au cours du XVe siècle, incontestablement, les Génois ont dominé la mer. Et ils l'ont dominé parce qu'ils se sont trouvés toujours en tête dans la course au gros tonnage. Et cela s'explique par le fait qu'ils devaient transporter des matières premières comme l'alun, par exemple, qui servait à l'industrie textile pour, disons, fixer les couleurs sur les tissus, qu'il devait transporter également du blé, parce que la ville a besoin d'être nourrie et ne possède pas sur place les ressources nécessaires, devait transporter également du sel. Donc tout cela nécessitait des navires de très forte capacité. Aujourd'hui, du côté chinois, bien évidemment, ce que l'on transporte, ce ne sont plus des matières premières. Ce sont au contraire des objets fabriqués à moindre coût, grâce à la main-d'œuvre que je qualifierais de sous-payée de la Chine. Donc il y a de ce point de vue-là un contraste assez intéressant entre, d'une part, cette domination maritime des Génois au XVe siècle, et puis une sorte de début, disons, de monopole du commerce maritime par les Chinois. Bah, nous pouvons dire encore quelque chose. Vous pouvez voir, à propos des les problèmes de développer les ports et respecter la ville. Vous pouvez voir qu'ici, il y a des plages, il y a un quartier de la ville qui est plutôt joli. Et justement, les Génois qui habitent ici ne sont pas contents d'avoir les ports devant eux. Ils préféraient avoir les plages, avoir la zone touristique. Et quoi, c'est le vrai problème. Parce que pensez que dans un premier temps, on avait pensé de développer les ports de Gênes tout long la côte, arriver jusqu'à Savona, faire une unique porte très longue et avec le temps, avec les siècles, arriver à une unique ville, Gênes et Savona, qui serait devenue une unique ville. Mais au moment, la chose a été bloquée parce que entre les deux villes, il y a 35 km de côte où il y a bien affirmé l'industrie du tourisme. Il y aurait un impact ambiental insoustenable si nous allons faire les ports. En plus, nous donnons des dommages économiques considérables. Pensez à la propriété immobilière, par exemple. Et une chose, c'est d'avoir un appartement sur la mer. Une autre chose, c'est d'avoir un appartement sur les ports. Et tout les hôtels, etc. Alors, nous, le maximum, les ports ne peut se développer au-delà de ce terminal ici. Et ensuite, on peut avoir deux solutions, ou de construire des îles au milieu de la mer, ou, surtout, à mon avis, la chose la plus sage, de potentier considérablement les trains et utiliser les trains pour transporter de façon que les conteneurs arrivent continuellement dans les ports et immédiatement ils sont chargés sur les trains et vont à destination immédiatement. Ça serait la chose la plus rationnelle que l'on peut faire. Alors effectivement, aujourd'hui, au-delà de Brodel, il est évident, je pense qu'on est passé d'un capitalisme fordiste à un capitalisme nouveau qu'on appelle patrimonial et qu'on n'a peut-être pas su analyser ou en tout cas évaluer, qui date de ce début des années 70. Or, Olivier Mongin. Un des éléments très forts, on le sait, est lié aux révolutions technologiques, c'est bien entendu la question de la finance, c'est ce qu'on appelle la financiarisation de l'économie, qui est liée également à un autre phénomène qui est individualisation et extension du salariat. Extension, ça veut dire délocalisation possible, etc. Donc là, on a quelque chose de très profond qui accompagne la déstructuration de ce qu'était l'élément majeur du capitaliste, c'est-à-dire l'entreprise. On voit très bien qu'aujourd'hui, le monde n'est plus organisé simplement autour du conflit capital-travail, même s'il travaille toujours. Mais, comme le dit un livre de Michel Dussault, de la lutte des classes à la lutte des places. Le problème de l'inscription spatiale est extrêmement, extrêmement fort. Alors, ce capitalisme financier, la grande question, c'est de savoir comment le réguler. On voit que c'est difficile. Et encore, faut-il rappeler que ce capitalisme financier n'est pas le fait que d'un certain nombre de grands boursicoteurs, des multinationales, etc. Mais moi, ce qui m'a paru le plus important par rapport à une réflexion économique comme à la Brodel, c'est aujourd'hui la chose est un peu différente dans la crise de 2010 que c'est les États qui sont un peu en ligne de mire. Jusqu'où peut-on s'endetter? Comment se désendetter? Donc c'est tout le problème de la dette, du prêt. N'oubliez jamais que déjà Michelet était sensible à ce thème dans des textes du 19e siècle. Une société ne peut pas s'endetter à l'infini. On parlait pas des générations futures. C'était un état de fait. Et puis, on peut rappeler que la Révolution aussi était un peu sous-tendue par toutes ces questions de la dette, etc. Moi, ce qui me paraît important, c'est de rappeler que la crise des subprimes, c'est une crise totale de la confiance. C'est-à-dire quand un banquier ou un sous-banquier, un intermédiaire, prête à des gens dont il sait qu'ils sont insolvables, là, je veux dire, on casse la relation économique. Et ça, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué là, dans ce qu'on appelait la crise de 2008, qui, moi, me fait dire qu'à travers tout ce qu'on a évoqué là, il y a une crise extrêmement profonde des ressorts de ce qui a fait la civilisation européenne, au sens large du terme, en tout cas ce fait de civilisation qui était l'Europe que nous racontait Braudel. Et je pense que c'est aussi important que le problème de l'attaque en règle des agences de cotation ou des marchés financiers. Bien sûr qu'il faut, il faut réfléchir à cela. Pourquoi a-t-on pu casser à ce point la relation de confiance? Et le marché, je veux dire, le contrat économique minimal, il a besoin de cette confiance. Si je ne fais plus confiance à mon banquier, etc. Alors, il y a des gens qui ont fait trop confiance. Et qui... Donc, cette question de la confiance qui est le trust, mais qui est une question politique, me semble-t-il, qui affecte la démocratie, elle est quand même vraiment au centre des interrogations contemporaines. Donc, c'est vrai que Braudel nous a décrit un monde... le nôtre, qui s'est transformé très vite, et on manque de Braudel aujourd'hui, je dirais, pour mieux le comprendre. Moi, ce que je vois aussi, c'est un nouveau monde qui est ancien, qui était quand même un monde qui accompagnait toute la réflexion de Braudel, qu'on n'a peut-être pas assez pris en ligne de compte, alors qu'il y a une très grosse différence avec nous. Et là, on retrouve le problème urbain, l'occasion d'aller plusieurs fois au Brésil récemment. Donc, on relie les Vistros qu'on voit au Brésil, on l'accompagne à travers Triste Tropique. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est ces grands textes où il parle des villes. Il arrive à Rio... D'ailleurs, qu'il n'aime pas trop, le paysage est trop fort, trop puissant. Et il arrive à Sao Paulo, il y a encore des vaches dans la rue, c'est pas, on est en 37, je crois, c'est pas le Sao Paulo d'aujourd'hui. Mais ce que comprend très très bien Braudel, Lévi-Strauss, mais on connaît leur proximité brésilienne, justement, c'est que ça va beaucoup trop vite. Et constamment, Lévi-Strauss dit, il aime ce monde-là. Mais il dit ce nouveau monde est déjà en proie, je dirais, c'est moi qui parle là, je dirais au péché de la rapidité. Et il dit une ville justement a besoin de s'inscrire dans la durée. Lévi-Strauss écrit de très belles pages sur Tokyo, ville palimpseste. S'inscrire dans la durée, c'est-à-dire il faut du temps. Il faut du temps. Nous, on a peut-être des villes trop patrimonialisées. Les méchantes langues parlent de nos villes musées européennes, etc. Tout n'est pas faux. On voit très bien que dans le nouveau monde ou les nouveaux mondes d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que le Brésil qui n'est pas un nouveau monde d'aujourd'hui, il y a tous ces nouveaux mondes asiatiques où l'urbanisation est encore plus rapide même que dans l'espace de l'Amérique du Sud, on voit très bien que les villes ne peuvent pas se stabiliser. Les villes ne peuvent pas s'installer, ne peuvent pas s'inscrire dans la durée. Donc on a vraiment, au sens brodélien, un problème d'espace-temps. Il nous faut des espaces, mais il faut qu'ils prennent leur temps pour justement retrouver une durée spatio-temporelle. Et au fond, Braudel, moi c'est la grande leçon de Braudel, c'est il n'a jamais lâché cette double question de l'espace et du temps. Au cours de cette visite génoise consacrée à la mondialisation et à la civilisation matérielle, vous avez pu entendre Michel Ballard, Francesco Frumento, Antoine-Marie Graziani, Giuseppe Felloni, Olivier Mongin. Texte de Fernand Braudel, lu par Claude Aufort. Prise de son, Jean-Pierre Pernel, Lidevine Caron. Mixage, Pascal Bénard. Attaché de production, Diane Lamant. Réalisation Franck Lilin. Grande traversée, Fernand Braudel, l'historien monde, par Philippe Petit. demain pour poursuivre cette grande traversée. Nous nous rendrons dans la Meuse, nous irons à Bar-le-Duc, mais aussi sur les champs de bataille de Verdun. Et nous discuterons, c'est le cas de le dire, de la difficile, énigmatique, mystérieuse identité française, mais aussi du roman national et ce qui en reste.